toi tout le monde se plaint de plein de plaies et de plein de blé et de plein de blabla et de plein de canne. Les gens ils s'en foutent et tout le monde ils s'en fout sans faire. En mal pourquoi faire, y'a rien à faire. Après notre mort, notre âme vient encore, il dort. Pourquoi croire qu'on s'en sort? Le paradis c'est ici et l'enfer aussi. Les maladies ils se renforcent et les catastrophes aussi. On s'enfonce à force d'être dans ce même décor et même très fort. Ça a mes cœurs. Et sur les murs de nos blocs, le Markerman, les bombes de peinture qui marquent la haine très pure des jeunes. Pas d'accord, normal. La vie c'est déjà cool, papa. Pense pas trop à tout ça. La vie c'est pour ça qu'elle doit être vécue pas à pas et sans souci, pas trop le choix. Non, c'est tu t'inquiètes aussi fort qu'un point dans la tête et t'as tort. Ou tu te noies dans l'alcool, prends des fois des rythnols, de la coke. C'est pas cool, pense à l'époque. C'était drôle, maintenant y'a tes potes. D'école, t'es tout seul, on peut s'en sortir. Changer de route, changer de foutre, autre chose. Tu choisis d'être posé, rien à foutre de la cam. J'suis trop à l'opposé. La vie c'est pas s'isoler, désolé de saouler, laisse ça aller. Et écoute, pour se souder, il faut s'aider, chacun ses idées. J'me suis décidé de profiter de la vie avant d'être Dieu. Et que je meurs, j'veux faire mieux, voir la mer au lieu de voir les murs. Y'en a marre d'être à part et d'être smicard. Pas comme ces connards, je veux pas finir comme ces tocards qui n'arriveront pas à revenir. Devenir le cauchemar de leurs souvenirs. Et je suis vénère par cet état qui m'énerve. Et ceux qui gagnent, c'est énorme. Nous on épargne. Et avec ce qu'on gagne, y'a de quoi se plaindre. Et aussi avant que ça se propage, à notre âge, on pense pas à rester sage. Les otages, c'est nous dans ma gorge le goût. Et qui se dégage de dégoût. Les gars élus à des âges dépassés. Y'a pas que ça, c'est pire que tout. Que des pauvres partout, c'est pas tout. Ceux qui sont répartis dans des cités comme moi, bronzés ou pas. On est pareil pour eux. Un avenir, je veux.